J'entendis sans le vouloir la dernière phrase de la comtesse Chevalov et la réponse fielleuse du baron von Lauenfig. Peut-être le prince Mishkin, ce faible d'esprit, demandera-t-il quand même la main de votre fille Olga. Ces propos échangés entre la comtesse et le baron auraient pu me blesser. Ils ne me touchèrent point. Mon esprit comme mon cœur étaient ailleurs. Je m'approchai de la générale Yepanchine et je la saluai le plus naturellement du monde. Je m'inclinai ensuite devant la vieille princesse Bielokonski, protectrice de la famille des Yepanchine. Cette dernière m'examina attentivement, des pieds à la tête. « Je suis ravi de faire votre connaissance, prince. Mais vous êtes très bien, Léon Nikolaïevitch. Vous avez l'air digne, vous ne faites pas de gestes et vous ne prononcez pas de paroles inutiles. Mais je ne comprends pas tes hésitations et tes craintes, Elisabeth Prokofievna. Allons, décidément pas. À ta place, j'accorderai sans aucune réticence la main d'Aglaé au prince. Oh, je suis heureuse, princesse, que Léon Nikolaïevitch ait trouvé faveur à vos yeux. J'appréhendais tellement votre jugement. Je ne vivais plus, je ne respirais plus. Eh bien, maintenant que tu es rassurée, tu pourras vivre et respirer en toute quiétude. Mais venez, prince, je vais vous présenter à mon vieil ami le comte Briansky. C'est un homme très influent et un homme plein d'indulgence. Surtout à l'égard des gens que je lui recommande. Car imaginez-vous, jeune homme, que le comte Briansky, tout puissant qu'il est, a peur de moi. Comme tout le monde, d'ailleurs. C'est une sensation désagréable, parfois même pénible, que de se savoir craint par les gens qui s'empressent auprès de vous. N'êtes-vous pas de mon avis, Léon Nikolaïevitch ? Tout à fait, princesse. Je suis tout à fait de votre avis. Et cependant, je vous fais peur à vous aussi, n'est-ce pas ? Non, princesse. Pourquoi voulez-vous que j'aie peur de vous ? Je suis persuadée que vous êtes bonne, généreuse même, et que vous ne sauriez faire de mal à personne. Votre candeur me désarme, et votre confiance en moi me touche. Me touche profondément, prince. Et je me sens déjà meilleure. Comme si je me faisais une obligation de ne pas vous décevoir. Mais avançons. Il faut tout de même que je vous présente à ce vieux Forban, le comte Briansky. Autrement, il ne manquerait pas de lancer une pelure d'orange sous vos pieds, au sens figuré, bien entendu, pour le seul plaisir de vous voir glisser. Tout en suivant la vieille princesse Bielokonski, je jetais des regards autour de moi. Elisabeth Prokofievna avait disparu pour donner des ordres domestiques. Son mari, le général Yepanchin, conversait avec deux hommes qui, à notre approche, saluèrent profondément la princesse Bielokonski et me sourirent aimablement. Je voulus m'approcher d'eux, mais la princesse Bielokonski m'empêcha de le faire. Rien ne presse. Vous ferez leur connaissance plus tard, prince. Non, pour le moment, il nous faut affronter le comte Briansky et le mater. Ah, le voilà derrière cette colonne. Mais non, regardez-vous là, à gauche, prince. Oui, c'est lui, ce petit vieux bien conservé. Hola, comte. Mes hommages, princesse, mes hommages les plus respectueux. C'est bien, comte. Je vous présente le prince Mishkin, mon filleul en quelque sorte, puisqu'il a l'intention d'épouser ma filleule, Aglaé Yepanchin. Je vous le présente et je vous conseille de vous montrer particulièrement bienveillant à son égard. Me comprenez-vous ? Oh, très bien, princesse. Ma sollicitude est acquise au prince. Enfin, mon cher prince, que puis-je pour vous ? Je vous remercie de votre offre, comte, mais à vrai dire, je ne crois pas que vous puissiez quelque chose pour moi, car je n'ambitionne rien. Hein, comte ? Mais que dites-vous de cette réponse ? N'est-elle pas délicieuse ? Seul mon filleul ici présent pouvait en formuler une semblable. Et maintenant, je vous quitte, cher comte. J'ai hâte de présenter mon ingénu à quelques autres personnes, afin de rompre la glace et de fermer le bec aux médisants. Et précédé de la princesse Bielokonski, je fis le tour des salons. J'échangeai des propos aimables avec plusieurs invités de la soirée et baisai la main de toutes les dames sans exception. Ceci fait, la princesse Bielokonski m'abandonna à mon sort. À présent, mon cher, je vous laisse voler de vos propres ailes. Non, ne vous inquiétez pas, je vous surveillerai de mon coin. Et au moindre danger, j'accourrai à votre secours. Demeuré seul, je me trouvais tout à coup désemparé. Je peux même dire angoissé. Je cherchais des yeux Aglaé. Je la vis bavardant avec Eugène Pavlovitch, son ancien soupirant. Je savais qu'après avoir enterré son oncle à héritage, Eugène Pavlovitch avait regagné Saint-Pétersbourg, mais j'ignorais complètement qu'il avait réussi à se réconcilier avec les Yepanchine. Au contraire, je le croyais définitivement banni de chez eux. En le voyant à côté d'Aglaé, une Aglaé animée et toute souriante, je ressentis une douleur aiguë. C'est de la jalousie, pensais-je machinalement. Un sentiment qui jusqu'ici m'était étranger. Cette dernière constatation me bouleversa. Je soupirai, je me dirigeai à l'autre bout de la salle. Je m'installai dans un fauteuil non loin du piano à queue. Et je fermai les yeux. J'écoutais un moment les sons plaintifs de la musique. Et je m'évadais en pensée loin de ce salon et du monde. Lorsque j'ouvris les yeux, je surpris le regard insistant que posait sur moi Aglaé. Je me levai et me dirigeai vers elle. C'est alors que le général Yepanchine, le père d'Aglaé, me toucha l'épaule. Un moment, Léon Nikolaïevitch, je t'en prie. Où te diriges-tu avec cet air de somnambule? Vers qui voulez-vous que je me dirige, général, sinon vers votre fille, Aglaé Ivanovna? J'ai été présenté à de nombreuses personnes, je me suis entretenu avec un tas de gens qui m'indiffèrent, mais je n'ai pas encore salué Aglaé. Puis-je à mon tour vous poser une question? Mais naturellement, que veux-tu savoir, prince? Je veux savoir depuis quand les portes de votre maison sont de nouveau ouvertes à Eugène Pavlovitch. Oh, prince, serais-tu par hasard jaloux d'Eugène Pavlovitch? Oh, que c'est vilain! Je le suis, général. Je suis jaloux d'Eugène Pavlovitch. À ma grande honte, il est vrai. Et je n'arrive pas à étouffer en moi ce sentiment détestable. Alors, rassurez-moi sur les intentions d'Aglaé Ivanovna, ou dites-moi au contraire que je ne dois plus rien espérer d'elle, et je me retirerai. Mais quelle mouche te pique, Léon Nikolaïevitch! Voilà que tu te montres tyrannique à présent. Eugène Pavlovitch a toujours été un déshabitué de cette maison. Nous l'avons soupçonné un moment d'une vilenie, nous lui avons fait comprendre qu'il était indésirable, mais nous avons appris ensuite qu'il n'avait rien commis de répréhensible. Alors nous lui avons rouvert les portes de notre maison, voilà. Votre explication est parfaitement plausible quant à la réapparition d'Eugène Pavlovitch dans cette salle, mais insuffisante pour expliquer sa présence auprès d'Aglaé Ivanovna. Et ceci depuis le début de la soirée. Oh, mais tu m'ennuies à la fin, hein, Léon Nikolaïevitch. Si Aglaé trouve plaisir à bavarder avec Eugène Pavlovitch, ça la regarde, non? Mais où vas-tu? Je vais chez moi. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais tu es fou, prince. Voyons, comment tu n'as rien à faire ici? Cette soirée a été spécialement organisée par ma femme pour te présenter au monde, voyons. Je me moque du monde, général. Vous le savez bien. Je suis venu chez vous pour être auprès d'Aglaé Ivanovna. Comme elle m'ignore, je m'en vais. Un point, c'est tout. Mais non, je ne te laisserai pas partir. Je te retiendrai ici jusqu'à la fin de cette damnée soirée, par la force s'il le faut. Mais tu ne comprends donc pas quel scandale ce serait si tu partais maintenant. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, René Maupré, le comte Briansky, Yvette Morek, la princesse Bielokonski, avec Pierre Bertin, le général Yepanchine, et Gaby Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.